La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Justice! Justice Dance! Hey. Justice Dance! Plus Mauve Pirate Remix. Le soleil se lève plus tard. Gilbert Bécaud avec Merci beaucoup! Le soleil se lève plus tard. Et The Wailers avec Don't Take Is So Hard. Mais la chanson de Gilbert Bécaud, là, Merci beaucoup, on la connaissait pas, hein? On la connaît pas tant que ça. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup, là. Alors, nous tenons à faire effectivement notre finalité, notre fin. Nous allons terminer ainsi cette errance rénadienne. Déjà, il faut être prêt à tout, puis surtout... Allô? Oui. Oui. Oui, OK. Ils nous entendent. Parfait. On termine. Ça se... Okay. Oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité par... clandestine. Avez-vous compris, vous, là? Oui. Oui. Attendez, là. On vous a arrêté avant la fin. Avez-vous compris, vous, là? On vous a compris, monsieur. Allô? Avez-vous compris? Très bien. Oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés à présent. Choisissons comme expression, et nous en avons deux. Pas les deux plus juteuses, les deux plus... Comme la belle Rita. Ah, Rita, quelle juteuse jeune femme. Ah, c'est en parlant de juteux, qui en ce monde a suffisance de tout bien à la jouissance? Eh ben, ça, c'est un proverbe français de Gabriel Meurier. Meuriez-vous, s'il vous plaît, répéter? Nous allons répéter. Qui en ce monde a suffisance de tout bien à la jouissance? Ça, c'est un adage de quelle année? Comment? C'est un adage de 1576. C'est un proverbe français? Prends en français. Gabriel Meurier. Meurier. Hey! Seriez-vous Meurier, mes choux? À la mode, ce Meurier, Meurier, mes choux? À la mode de chez nous. Chez nous. Qui en ce monde a suffisance de tout bien à la jouissance? En ce monde à suffisance, ça suffit, non? De tout bien à la jouissance. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Nous allons rencontrer Gabriel Meurier. C'est en 1576, hein? On va le rencontrer quand même. OK, on va rentrer en transe. On rentre en transe. Gabriel, m'entends-tu? On vous entend. Gabriel Meurier, meurriez-vous répéter? Nous allons répéter Gabriel Meurier, meurriez-vous répéter? Nous allons répéter Gabriel Meurier, meurriez-vous répéter? Oh, Meurier. Les cerises sont blancs, les meuriers sont contents, et voilà le chantant. Fouin. Hey, comment crois-tu entrer en communication? Avec Gabriel Meurier. Meurier! Oui, c'est moi! Meurier! Meuriez-vous que répéter? Non, on répète plus. Là, vous nous avez écrit en 1576. Exactement. Est-ce que vous en souvenez? Comme si c'était Meurier. Bon. Comme si c'était Meurier. Est-ce que c'est Meurier? C'est Meurier. Meurier, tu dors. Oui. Alors, quand vous dites, là, qui en ce mot? J'ai pas dit mot, j'ai dit monde. Oui, je sais. C'est moi qui me suis trompé. Bon, d'accord. Qui en ce monde a suffisance? Oui, vous comprenez pas? Suffisance rénale. C'est moi, rénale. Errance rénaldienne, merci, bye, à la prochaine. Non? C'est pas terminé, là. Qui en ce monde a suffisance de tout bien à la jouissance? Ben oui, avez-vous des biens? Oui. Vous jouissez-vous? Non. Vous jouissez pas de vos biens? Ah, de mes biens? jouir est un mot exagéré. Ah non, c'est parce qu'en 1576, oui, nous connaissions le terme exact de jouissance. Oh, et aujourd'hui? Ah ben ça s'est évacué comme tout le reste. On a évacué la jouissance. On a évacué comme tout le reste. Ah. Alors où est-elle la jouissance? Comme tout le reste. Oui, mais le reste? Mais comme tout le reste, oui. Monsieur Meurier, vous répétez? Non, on répète plus. Gabriel? Gabriel des Trois Baisons. Oui, monsieur, ok, l'autre phrase. On s'en sortira jamais. Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut raccrocher parce qu'on veut pas payer à l'au-delà? Ça, comment ça coûte appeler à l'au-delà? Ça coûte trop cher. Qui va parler? Qui va payer? Meurier? Meurier-vous répétez? Non, le monde est rond. Oh, le monde est rond. Ben, ok. On nomme des noms? Il y a Rita Mimo. Là, Geneviève Sampson, il y a Catherine Limonette, et il y a Suzette Lamieuse, et Androse Partouze. Pas Androse Partouze, Androse Partouze, elle est en Pourpartum. En Pourpartum, ben la Partouze est en Partum. Ah, c'est, elle est pas partie, elle est partie en Partum. Ah, en aparté, elle est partie. Oh, elle est partie, mon champion, elle est partie. Monsieur Blagny, nous aurions quelques petites questions à vous poser. Premièrement, êtes-vous un être totalement ébloui par cette sainteté qui nous regroupe quelquefois dans des atmosphères un peu torrides, non, mais toujours aussi subtiles que peut nous amener la vie à travers ses rapports humanistes et même mais on fois, malheureusement, on n'est pas vraiment... Alors, le monde est rond, qui ne sait nager va au fond. Hey, c'est encore Meurier. Meurier, il en a dit des affaires, Meurier. Lui, c'est en 1558 qu'il a balancé ça. C'est un petit peu plus jeune que son premier truc, là. Le monde est rond, qui ne sait nager va au fond. Il est allumé, le proverbe Gabriel Meurier. Est-ce qu'on a encore la communication avec M. Meurier? Meurier, vous répétez? Eh, hey, saint je crois que je vais tout casser avant la fin des rances rénadiennes. On casse rien. OK. Faut se retenir. Attachez-le. Oui, merci. Rita, attache-le. Ben, je peux pas l'attacher. Je suis en train de terminer ma sauce à spaghetti. Oh! Comment ça... j'aimerais ça, madame, que vous me disiez, parce qu'on vous entend souvent, vous tournez votre sauce à spaghetti, vous la préparez ici pendant l'errance rénadienne. Et... Ça me divertit. Ça me divertit. Ça me divertit. Ouais, pas averti, ça me divertit. Ça me divertit, ouais. Alors, quand on dit on termine notre sauce à spaghetti, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'on ferme le feu. Oui. Que l'on le laisse reposer. Que l'on laisse reposer. Le chaudron. Oh, et la sauce? La sauce aussi. Comment ça? La sauce est dans le chaudron. OK. Et le chaudron? Contient la sauce. Et combien de temps vous devez? Ah, comme elle le veut, c'est elle qui me le dit. Votre sauce à spaghetti vous dit je suis prête? Elle me le dit. Oh, bon, comment ça s'exprime une sauce à spaghetti? Alors, je vais, attention, j'aimerais, Madame Tremblay, reculer de votre source sonore dans laquelle ma voix passe parce que ça risque, nous allons recréer. Hein? Le discours de la sauce à spaghetti. Hey, ça s'est jamais fait à la radio, ça? Non, mais ça va se faire maintenant. Hey! Ça donne des peurs. Ouais, plus que des peurs. Ça fait peur. Ça fait très peur. Même, j'ai comme des petits boutons sur le bout de la... Sur le bout de la langue. Oh, c'est... Comment tu vas faire ça? Ben, je sais pas. On va recréer devant vous. Le langage de la sauce à spaghetti. Lorsqu'elle est prête. Elle est prête à quoi? À se faire placer dans les pots. À se faire empoter. Elle va se faire empoter. Ah, la sauce va se faire empoter. L'empoter. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous des bouchons. C'est parce que le cri, c'est dans les aigus. Même l'oreille ne l'entend pas, mais elle s'égrotte sans doute. Ouais, c'est peu, hein, ça? Oui. Alors, le cri de la sauce à spaghetti, ben, en fait, le signal lorsqu'elle dit « j'en ai assez, je suis prête, empotez-moi ». Empotez-moi, empotez-moi, loin de ces affrontages, empotez-moi, empotez-moi. Alors, le cri de la sauce à spaghetti, ben, en fait, c'est le discours qu'elle prend lorsque l'on veut que... Que l'on l'empote. Ben, oh, ok, c'est maintenant que ça se fait. Oh, silence, s'il vous plaît. Silence. Oh! C'est-tu de la sauce à spaghetti lorsqu'elle veut se faire empoter? Oui. C'est-tu nique? On l'entend pas. Non, à l'oreille nue, là. Mais est-ce qu'il faut l'habiller l'oreille pour l'entendre? Non, faut avoir un déconneur. Et pour avoir le déconneur, faut écouter Grance Renaldine. Puis là, qu'est-ce que vous avez fait? Ben là, c'est de la écoutez, c'est une machine qui coûte 250 millions de dollars, là. Vous êtes même pas capable de vous payer ça. À peine si vous pouvez trouver les pots pour empoter avec ça, là. Mais c'est traduit, là, à travers un langage de crème tomate, de la tomate, de l'ail, de tout ce que vous la composite de la sauce à spaghetti, parce que chacun a son propre langage, et à travers ça, lorsqu'elle est bien amalgamée, comme on dit dans le milieu de la sauce à spaghetti, lorsque tout est prêt, hein, lorsqu'elle veut se faire coucher, hein, se faire napper à travers de la pâte à spaghetti ou n'importe quelle pâte, ben, c'est le langage pour « Je suis prêt, empotez-moi. » Empotez-moi, empotez-moi, loin de ces bousies, dans les lalas, dans les empotez-moi, empotez-moi, empotez-moi, empotez-moi. OK. C'était touchant. Alors, le monde est rond, qui ne sait nager va au fond. C'est un proverbe français de notre ami Gabriel Meurier. Meuriez-vous que je le répète? Non, on le répète pas deux fois. S'il vous plaît! Non. Alors, nous quittons. Ah, pas déjà? Déjà. Avec Serge Gainsbourg. Co, co, and co. Oh! Co, co, and co. C'est quand même dur, hein? C'est très dur. Ensuite, le soleil se lève. Bizarre. On va. Ben, c'est bizarre ton écho actuellement. Oui, mais c'est ça, on essaie de retrouver la même... Un, deux. Ouais, un, deux. Écho, écho. Écho. Okay. OK, on y va. Alors, Serge Gainsbourg avec Coco and Co. Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Coco? Avec le retour d'Hector. Toujours avec le soleil se lève plus tard. Et nous terminons avec un cadeau. Je ne divulguerai même pas le titre. Qu'est-ce que tu dis? Je ne divulguerai même pas le titre. C'est un cadeau. Mais nous aurons jamais le temps. Oui, nous aurons. Nous aurons l'éternité. À travers l'errance et la rénalité. Merci. C'était Rénal Gagné. Errance rénaldienne. On se retrouve la semaine prochaine. Restez heureux, avec le sourire. Gardez votre folie. On vous aime comme ça. Puis, nous tenterons de défricher d'autres aspects narratifs pour, comme ça, délirer ensemble. C'est un petit deux heures là, que l'on se... Vous puis moi, hein? C'est une entente tacite. C'est tacite, la tacite. Tacite, la tacite. Oh! Coco and Co. Attention. Merci beaucoup, Serge. Merci, Germaine. Claudine. Coco and Co. T'entends. Écoute. Le gars qui jazzote. T'entends. Ah, comme il saxote. Saxote. Il est camé à zéro. Coco and Co. Ça va ce soir? Vous avez passé une belle soirée? C'était Rénal Gagné et Rance Renaldienne. L'émission avariée. C'est très avarié. Il y en a au Creton, Bleuet. Ses compatriotes au piano. Celui qui pianote. Lui, c'est la Coco. Coco and Co. À la basse, celui qui croque-note, c'est l'éther, lui qui lui botte, t'as pas vu, il est KO, Coco and Co. Celui-là qui tapote, c'est un crack, c'est un pote. Lui, c'est la fleur de pavot, Coco and Co. Mais lui, ça serait plutôt la Marie-Juana. Maman, irais-tu répondre? Ça doit être lui. Bon, un autre. Ah, bonsoir, monsieur Cusson. Bonsoir, madame. Gisèle, es-tu là? Oui, elle vous attend, mais elle n'est pas prête. Entrez, voyons. C'est pour vous. Pour moi? Vous êtes sûr? Ben oui. Oh, ben vous êtes bien fait, je fais les points. Bon, voulez-vous passer au salon? Merci. Ah, bonsoir. Bon, ben on va vous laisser la place. On s'en allait, justement. Hein? Robert Dion, Jean Cusson. Enchanté. Excusez. Salut. C'est pas nécessaire de partir aussi. Bon, on s'en allait, maman. Je reviendrai pas trop tard. Bonsoir, madame Lapointe. C'est ça. Bonsoir. Vous partez? Hein? Oui. On s'en allait au vu. Mais nous autres aussi. Attendez-nous. On va pas voir la même vue. Tu veux pas le savoir? On n'a pas encore décidé. On va pas voir la même vue. Bonsoir. Moi, j'ai l'idée que ce mariage-là soit pas du tout. J'ai comme l'impression que ce garçon-là veut avoir son énorme avant le temps. Oh, excusez-moi, monsieur Cusson, j'avais oublié que c'était là. Ah, oh, c'est pas grave. Ça arrive souvent. Bon, ben, je vais vous laisser, là. Tiens, ton cavalier t'a apporté des fleurs. Mmh. Ils sont belles, merci beaucoup. Vous auriez pas dû. Pourquoi? Gisèle? Oui? Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Allez-y. C'est un petit peu gênant. Voyons donc. Mais je veux que ce soit clair tout de suite. OK, mais dites-les. Vous savez... j'ai pas les moyens de toujours vous payer des taxis comme l'autre soir. Oh! Je sais bien, c'est pas grave, ça. Quand on reviendra trop tard puis qu'il y aura plus de métro, je payerai ma part de taxi. C'est pas que j'ai pas d'argent pantoute, vous savez. Quand oncle Hector est revenu d'Acapulco avec tous ses bagages et son grand sombrero, et le docteur Firpo et ma tante Isabelle, on est allé les accueillir à Mirabel. On s'est installés tous derrière la baie vitrée, d'où on peut voir les passagers faire leur entrée, tout bronzés et le regard fier, malgré le 20 heures de retard de national. Mon oncle Hector a été chercher ses valises On est toutes descendues pour y faire une surprise. Ils dirent qu'un brunch avait été organisé, tout simplement dans le but de fêter son arrivée. Malgré la fatigue, notre brave mononcle Hector avait voulu dire oui puis faire un petit effort pour venir boire en notre compagnie. En ce glorieux dimanche après-midi, on est parti dans la van du cousin Beauvilla, en vidant une belle grosse bouteille de tequila, en chantant la bamba encore plus en plus fort. Tout ça pour faire plaisir à notre mononcle Hector. Quand on est arrivé chez la cousine Mireille, il y avait une table dressée avec des belles bouteilles. On s'est tassé le long des tables, puis on a fait pareil comme une étape. On n'était pas encore rendu à la salade. Voilà la cousine Réna qui sent un peu malade. Enceinte depuis 3 semaines et demie, a pas supporté de voir le salami. À la fin du lunch, tout le monde était un petit peu sûr. Mon enquête dans ce sacre a du boulot partout. Et l'atmosphère devenait de plus en plus champêtre. Docteur Firpo puis de chanson d'entier par la fenêtre. Au son des douces chansons des mariachi, mon oncle parle longuement des coutumes du pays. Vol de sacoche de tourista, y a vraiment de quoi bronzer avec ça. On n'était pas tout à fait rendu au dessert. Là, ma tante Isabelle qui allume comme un feu vert, elle qui fila un peu mieux vers la fin du vol. Pendant 2 semaines, elle avait fait le voyage à bol. Moi, je voyais tout ça d'un œil très extérieur. C'était bien exotique du sud à son meilleur. Et assis au milieu de tout ça, il y avait un aigle, que c'est qui faisait là. Mais je veux m'acheter une auto au printemps. Ah oui, c'est le fun, ça. J'en ai déjà eu une auto. Oui. Mais c'était avant que j'aille à l'agence. J'étais bien gêné, puis je connaissais pas grand monde. L'auto restait toujours devant la maison. Ça vous a beaucoup aidé, hein, d'aller à l'agence. Ah oui. Avant, là, j'étais assez gêné, ça avait pas de bon sens. Et là, ça va mieux. Pas brave, brave. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Ah oui? Mais, moi aussi, c'était un petit peu gênant. Ah ben, faut le dire tant qu'à y être. Vous savez, quand je suis allée à l'agence pour m'inscrire, j'ai marqué sur mon questionnaire que j'avais 27 ans, mais c'est pas vrai. J'en ai 30. Ah. Oh. Ça vous fait rien? Eh non. Vous savez, quand j'étais à l'agence, là, je leur ai pas demandé quel âge vous aviez. On va dire, comme on dit, 27 ou 30. C'est pas ça qui compte. Vous aimeriez pas mieux que j'aie juste 27 ans? Non. Quoi? Ouais. Il y a d'autres choses aussi que... Je voulais vous demander, pourras-tu vous dire-tu? C'est vrai. que c'est fatigant, ces boulots, hein? Moi, je suis toujours assez investie avec un camion de pompiers. Pas toi? Je vais passer ton soir off, mais une fois c'est assez. Lâche-moi! Je vais t'appeler au bureau demain. OK. On pourrait peut-être aller manger ensemble, si ça te tente. Bonne nuit. Pas de lune.